tous les jours. Tu te lèves, tu te couches entre les deux. Tu manges, tu bouges, tu fais des choses. Tu fais des choses. Souvent mal, trop vite, de haut en bas, de droite à gauche. Tu grilles les feux rouges, tu t'essouffles, t'éparpilles. Les passes, ton rythme de croisière, ivre comme une toupie. Tandis que l'air, les vivres et tout ce qui nourrit ton corps. Entrée, ressort, en temps record, pareil au piston d'un moteur. La surchauffe, neuf ans encore. L'usure, on verra ça plus tard. Faudrait peut-être que t'écoutes ton corps, lance qu'il supplie. Réclame un peu d'inaction, de souplesse, d'attention, de tendresse. En deux minutes, écoute ton corps, entend ses cris d'esclave et sa crispation, son stress. Sous tension sans cesse, écoute-le. Oh, toi, ça fait un bail que t'as pas eu de conversation avec ton corps. Et ça se voit, certains détails ne trompent pas. Ça va, tu dors assez, pas de problème particulier. Ouais, ça va, je vois pas de quoi tu veux parler. Ah ouais, bah pour une fois, prends le temps, jette un œil au miroir. Les yeux en feu, des cernes de fou, une hygiène abominable. Ouais, j'avoue, je squatte l'ordi. Pas très sportif, j'ai le corps qui s'entortille dans mon canapé sordide. Mais t'as le teint morbide, tu devrais peut-être sortir. Ouais, mais je dois finir cet instru avant de m'endormir. Et puis arrête de me gécher, pourquoi tu me vénères, toi, devant ta console. De longues tu végètes, tu vas peut-être me dire que tu voyages mentalement. Mais t'es incrusté dans le divan, horizontalement. Ok, ça va, j'ai compris, j'ai aussi mon côté zombie. Carrément. C'est juste que parfois quand je te vois, j'ai envie de te dire. Faudrait peut-être que t'écoutes ton corps lorsqu'il supplie, réclame un peu d'inaction, de souplesse, d'attention, de tendresse. En deux minutes, écoute ton corps, entends ses cris d'esclave et sa crispation sans stress, sous tension sans cesse. Putain, j'ai la cagne de préparer la graille. T'inquiète, t'as le 4 quarts qui reste dans le placard. Je ramène les canettes, les caouettes et quoi faire une assiette juste avec 2-3 restes de la veille. Si j'étais pas là pour cuisiner des légumes, tu boufferais que des tas d'immondices, ouais c'est sûr. Des bouillies de salsifis, t'appelles ça de la cuisine. Je parie que c'est ces conneries qui te décalcifient. Je préfère ça à tes boutons, ta peau flasse, ta petite mine. Ça pristille encore 3 chips et c'est les ta critique. Mais t'as toujours raison, t'as pas besoin de tout bib. Et tes démangeaisons, tes gencives pourries. Tu crois que ton corps il kiffe que tu bouffes tout en 2 secondes. Quand ça sort par l'autre orifice, tu souffres mais t'en redemandes. T'es sans doute pas mieux placé pour me faire la morale. T'es capable de te baffrer jusqu'à ce que t'aies trop mal. Faudrait peut-être que t'écoutes ton corps lorsqu'il supplie, réclame un peu d'inaction, de souplesse, d'attention, de tendresse. En deux minutes, écoute ton corps, entends ses cris d'esclave et sa crispation sans stress, sous tension sans cesse. Écoute-le. Dédicace à ceux qui ne s'écoutent que trop peu, trempés dans la cohue, laissant se tromper. Les pensées sont fluctuantes et entachées. Le corps est la seule chose à laquelle l'on puisse se rattacher. Il serait peut-être bien de ne pas trop le fâcher. Bien trop souvent embrassé, prêt à cracher sa trachée. On a tendance à le briner jusqu'à ce qu'un ulcère nous rappelle qu'il est notre outil le plus cher. Allez.